Prendre de l'âge nous rend invivables, nous poussera à blesser. On poussera la WC tout en pensant qu'une rente à viva. Les galères restent enfouies, nous passent au-dessus tant qu'on l'air toute pas. Tant de colère toute part, des cas des restes on fouine. J'expose mes théories sans le génie d'un savant fou. J'explose métier horrible sans génie, me lasse avant le foot. On grandit sur ce karma bancal. On avance, on trébuche et ça devient navrant. Sans vrai bulle, peu de grandissus, garde la bancale. Le futur qui se dessine, des faits étonnants qui te déciment. Tu seras mieux quitté si en effet c'est ton ange qui décide. Je n'ai cessé d'éplater et d'état de rime sans connaissance qui l'entoure. Mais dans le fond, comment puis-je espérer des connaissances qui m'entourent? Itinérant, t'en sais pas qu'il prend ses coups, donc j'encaisse. Je sais pas qui prend ses coups ni qui les rend. Peur de perdre. Oralement dès que tombe, c'est pas le buciment. Cœur de pierre, morale en béton, j'étale du ciment. Décelé, on rappe le corps ensanglanté. On le déplore ensanglanté par des failles décelées. Sans cesse, les démons causent, impossible de s'en défaire. Rien de bon si le sang déferle et on en parle comme si c'était nos gosses. Décelé, on rappe le corps ensanglanté. On le déplore ensanglanté par des failles décelées. Ce qu'on éparpille, c'est juste des bouts de nous-mêmes. Les mecs, trop souvent le dégoût nous mène à nous faire qu'on éparpille. Pour réussir dans ce monde, on s'endurcit, on montre pas nos peurs. Je trouve mon inspiration quand le piano pleure. Dédié à nos proches, à nos frères, à nos sœurs. Pour rester serein quand la haine s'accroche à nos cœurs. Trop de tendance bordel, demain je me taille promis. Je n'ai pas de taille homie, je lutte comme taille domi. La vie te coince dans les cordes, te frappe dans les côtes. Sans l'époque, sans les porcs, ils veulent ça les pauvres. On se démerde seul, sans manager ni impresario. On a appris sans rien, on vient rapper sérieux. Faut sauver son cul, s'éloigner de la corde raide. On aime trop la rue, à croire qu'elle a un corps de rêve. J'avance, piano Massano, cherche la santé pas le vitant. Briller dans les yeux de mon fiston. Même si le monde est dur, en force on y résiste. Tout ça fait de moi un lyriciste. Décelé, on rappe le corps ensanglanté. On le déplore ensanglanté par des failles décelées. Sans cesse, les démons causent, impossible de s'en défaire. Rien de bon si le sang déferle et on en parle comme si c'était nos gosses. Décelé, on rappe le corps ensanglanté. On le déplore ensanglanté par des failles décelées. Ce qu'on éparpille, c'est juste des bouts de nous-mêmes. Les mecs, trop souvent le dégoût nous mène à nous faire qu'on éparpille. Dans ma fortune, en la suis triste, je vais encore gâcher la surprise. Partir à l'âge du Christ, dans ma tête cache l'arme du crime. On verse des larmes tueries, plein de la folie dans la tuerie. J'écris à cœur ouvert, resserre encore un versatile. Dans tous mes versatiles, change pas, je suis pas versatile. Les yeux sont rivés vers Saturne. Mes frères saturent, trop de péchés sur l'ossature. J'attends le bonheur et ça tarde, tu peux demander à SAT. On crame à petit feu pour au final un grand brasier. Laissez-moi vivre un petit peu pour que ma fille puisse m'embrasser. À moitié déphasé, crache des phases de névrosé. Passé néfaste, futur froissé, je reste là les bras croisés. Mon destin m'a toisé, plus d'espoir je m'atlasse. Dans ma tête cellule m'a classé. En classe j'étais mal assis, plus tard je serai mal classé. Me réveille moral cassé, radoté je suis bon cassage. Viens enterrer les rêves que j'avais dans ce putain de bac à sable. Décelé, on rappe le corps ensanglanté. On le déplore ensanglanté par des failles décelées. Sans cesse, les démons causent, impossible de s'en défaire. Rien de bon si le sang déferle et on en parle comme si c'était nos gosses. Décelé, on rappe le corps ensanglanté. On le déplore ensanglanté par des failles décelées. Ce qu'on éparpille, c'est juste des bouts de nous-mêmes. Les mecs, trop souvent le dégoût nous mène à nous faire qu'on éparpille.